La classe ouvrière, le front populaire et le président Lebrun. Dans l'usine en grève, tout le monde rêve de voir la mer à Saint-Aubin. Dans les années 30, le tabac augmente, il faut trouver des milliards. La gauche et la droite s'insultent et se battent, et retour à la case départ. Les 200 familles, tous à la Bastille, pour applaudir Léon Blum. Comme dit ma grand-mère, il faut pas s'en faire, la France est prospère, yop la boum. Dans les années 30, les jardiniers plantent sur la marmite un drapeau noir. La gauche et la droite se tirent dans les pattes et retour à la case départ. Les années attendent, le franc qui serpente et bonjour le programme commun. Dans l'usine en grève, une voix s'élève, les 35 heures pour l'an prochain. La classe ouvrière, les masses populaires, il faut trouver des milliards. La gauche et la droite jouent les acrobates et retour à la case départ. Dans les années folles, les rois du pétrole vivaient encore sous la tente. La bombe atomique et l'informatique, on s'en fout comme de l'an 40. Les années 80, toute la vie augmente, les moules s'accrochent aux paysans. Lorsque l'on sonde la France profonde, on nous dit que tout le monde est content. La classe ouvrière, le front populaire et le président Lebrun. Dans l'usine en grève, tout le monde rêve de voir la mer à Saint-Aubin. Dans les années 30, le tabac augmente, il faut trouver des milliards. La gauche et la droite s'insultent et se battent, des retours à la case.